Thank you. Chou, c'est moi. C'est Chou. C'est moi. C'est moi. C'est Chou. C'est Chou. C'est Chou. C'est moi. C'est Chou. C'est moi. We'll be right back. We'll be right back.